Alors, il fait froid ces jours-ci, justement. Léa a décidé d'habiller quelqu'un pour l'hiver. C'est la pantoufle dans ta gueule. Léa a une minute pour démolir un grand classique. Cette semaine, Léa, tu fais ton bashing sur quoi? Cette semaine, je fais mon bashing sur Virgin Suicide de Sofia Coppola. C'est long, ennuyeux et terriblement rose. Je sens la recherche de l'esthétique, hein. Je la sens, hein, mais je la vois pas. L'histoire n'a pas vraiment de but, les personnages sont flous, on ne comprend même pas leurs intentions. Sofia Coppola a créé des personnages mystérieux, tellement mystérieux que rien ne prépare à la fin. Qui arrive d'un coup, attention spoiler, elle se suicide. Les scènes s'enchaînent et on s'enfonce dans une histoire avec des personnages de plus en plus incompréhensibles. On essaie de nous attacher aux personnages féminins sans les développer. On essaie de faire passer les personnages masculins pour les protagonistes principaux, mais rien n'est fait pour qu'on en ait quelque chose à foutre. Et au final, on se retrouve avec une morale plus que douteuse. On aurait pu faire tellement avec ce sujet. On aurait pu traiter de la distance entre les parents et les adolescents, celle qui se crée de manière naturelle et invisible, pas les gros clichés menés par une famille catholique. On aurait pu traiter de l'émancipation de la femme, des bouleversements sociaux des années 70. On aurait pu tout simplement avoir une fin au scénario, savoir finalement pourquoi elles se sont suicidées, à moins qu'on soit dans le registre de l'absurde. Mais dans ce cas-là, il faut nous prévenir, les gars. Franchement, pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi elles se sont suicidées? Non, Virgin Suicide, c'est surtout vierge de sens. Oh, bien joué! En moins d'une minute. Ah ouais. Mais alors, t'as quelque chose contre Sofia Coppola? Parce que c'est pas la première fois, Sofia. On a pas eu Lost in Translation l'autre jour? Si, je déteste Sofia Coppola. Marie-Antoinette. On a bien compris. Non, Marie-Antoinette, c'est pas culte, du coup, je le ferai pas. D'accord, ok. Non, c'est ces deux films cultes, je crois. Mais ça, elle aurait pu. Ouais. Ah oui. Bon, on a compris que tu pouvais pas la saquer. Hein. Ah ouais. Elle l'a compris aussi. Ouais.